Après cette seconde reprise, elle sonne. Mademoiselle Macao, qui nous servait deux nuques noires, lui arrange ses affaires. Tandis que je me rhabille, la bonne vieille ne tarissait pas sur mon éloge. Deux fois, ma chère, deux fois. Oh, ce petit ange-là est un prodige. Les autres me faisaient bien venir l'eau à la bouche. Mais lui, mets la main là, j'en suis pleine. Il était 4 heures du matin, je m'approche pour prendre congé. La vieille, en m'embrassant, foutre, ce n'était pas là le plaisant de l'histoire, m'offre deux bourses au lieu d'une, et m'accuse qu'elles contiennent 200 louis, tandis qu'elle n'en donne ordinairement que 100. Non, madame, lui dis-je avec générosité, si j'ai été plus heureux qu'un autre, je n'aspire point à une récompense double. J'accepte le témoignage ordinaire de vos bontés, mais je ne veux m'ôter ni la possibilité de revenir plus souvent, ni à vous celle de contenter un goût qui paraît vous satisfaire. Ma foi, je l'aurais prise au mot. Nigo qui ne sait pas que voilà comment ruine ces bougres cela. À la preuve. Transportée, elle tire de son doigt un beau brillant. Je l'ai, par Dieu, vendu 2000 écus. Et le met au mien. Alors je me retire avec une permission indéfinie pour toutes les heures du jour et de la nuit. Et la consigne de paraître amoureux de Julie afin de cacher notre intrigue. Je fais le difficile, mais la sublime tante me démontre si bien cette nécessité que je me rends pour l'amour d'elle. Revenu chez moi, dois-je y trouver du repos? Non, Julie. Julie, ton image me trouble. Je te vois, hélas. Dans cet instant, en proie à des désirs inconnus jusqu'alors, tu m'accuses et tu gémis. Moi-même, je soupire. Vile soif de l'or. À quelle horrible divinité me forces-tu de sacrifier du sang? Bien plus encore, c'est la substance la plus pure qui s'épanchera sans fruit sur cet autel odieux. Mais ne suis-je pas dédommagé? Où trouverais-je une enfant plus jolie? Julie, que l'amour me peigne dans tes rêves et que l'attrait d'un songe te prépare au charme de la réalité. Allons, ma valeur, à mon secours, qu'êtes-vous devenue? De l'or, morbleu, de l'or, c'est le nerf de la guerre. Front partout, que les feux de l'amour embrasent mon courage, me rendent cette vigueur première qui fit tomber sous le couteau sanglant tant de vierges dans Israël. Et toi, Priape, patron des fouteurs, je t'invoque, qu'une ivresse lubrique me saisisse auprès de ma vieille. Je t'offre le sacrifice de toutes ses perfections. Quelle crève en foutant! C'est un holocauste digne de toi. On s'imagine bien que la matinée ne se passe pas sans que je me rende chez ma bonne. On m'introduit au petit jour. La fidèle Macao me donne des conseils pour plaire à madame, et je lui sacrifie une parcelle de mon or pour en gagner un monceau. Ma vieille me reçoit avec toutes les grâces possibles, mais, ô surprise, avez-vous jamais vu une pomme qu'on place sur le récipient d'une machine pneumatique? Chaque coup de piston semble lui rendre sa fraîcheur. Sa poridée devient lisse, et les rayons du jour qui s'y réfléchissent lui donnent un vermeil qu'elle avait perdu. Voilà l'état de ma vieille. Ses yeux sont dérougis, elle semble souffler, et si elle avait des cheveux, de la gorge et des dents, elle serait foutable. Ma main batifole, un sourire enfantin la ranime, quand elle me chasse très sérieusement pour mettre ordre à ses affaires. Mademoiselle Macao est gouvernante en chef de ma Julie. Son nom de représage n'est point démenti par son caractère. Cette fille, qui dans sa jeunesse a fréquenté les seigneurs dans les lieux où tout est égal, est compatissante pour l'innocence. Elle a même fourni à Julie les éléments d'un jeu de main, badinage renouvelé des Grecs et très utile, même aux Françaises. Somme toute, je lui fais comprendre que Julie est appelée à changer d'état, et je lui prouve par un argument irrésistible que je suis tombé de là-haut tout exprès pour opérer ce grand œuvre. Elle devient donc ma confidente, et j'entre chez Julie que je trouve à sa toilette. Ma foi, je ne sais, mais la timidité me reprend. Qu'elle est belle, mon amie, de grands cheveux blonds cendrés, des yeux noirs et bien fendus, des traits que j'aimerais moins que s'ils étaient plus réguliers. Nous restons seuls. Pour débuter, je me prosterne et j'embrasse l'idole. Foutre! Quelle timidité! Sûrement en voilà la preuve. Quand j'ai bien peur, je me jette à corps perdu tout au milieu du danger. Mais Julie doit se fâcher. Oui, si elle en avait le temps. Et puis Julie est franche, sa pudeur répugne sans doute à mes caresses, mais elle est bien aise de les recevoir. Enfin, après quelques petites façons, je reste en possession de ma place à ses genoux, et de tous les petits larcins que me fournit le désordre d'une toilette et le dérangement d'un peignoir, qui voit le seul ces hémisphères enchanteurs, sur lesquels je n'ose encore voyager que des yeux. Nos jours coulent ainsi pendant quelque temps dans la paix. J'avance en grade auprès de Julie. La tante me comble de bienfaits. Cela veut dire que je les mérite. Enfin, je me rends un samedi saint pour dîner. ma chère tante m'annonce qu'elle est forcée de sortir et qu'elle ne reviendra qu'à 8h30, qu'une assemblée de charité, un sermon, une quête et toute la simagrée sont pour elle d'une obligation indispensable, car par contenance la bonne dame place l'ordre dans le temple de Dagon. Je peste, je me fâche. On se flatte d'un jour de bonheur. On est cruellement abusé. La bonne dame me console avec attendrissement. « Eh bien, mon petit, ne te fâche pas. Je m'arrangerai pour souper avec toi. Et puis... »« Hein ? » ?»« Dis donc, petit fripon. Mais je ne veux pas que tu sortes. Julie restera avec toi et vous ferez de la musique. »« Mademoiselle, j'espère que vous ne laisserez pas ennuyer monsieur. »« Non, ma tante. » Il embarras et la rougeur. « Moi, je fronce le sourcil. J'ai des affaires. Bref. » Mademoiselle Macao est chargée très expressément de m'exécuter. La vieille part et nous laisse seuls, Julie et moi, dans le joli boudoir. Puissance du ciel, vous dont émane ce feu céleste qui nous élève au-dessus des mortels, vous vîtes mon bonheur. Curieux, indiscret ami, tu veux donc aussi pénétrer les mystères de Paphos? Eh bien, lis, dévore et... Tout favorisait mes feux. La beauté du jour, dont les rayons amollis, par une grâce diaphane, attendrissaient pour nous les objets... Le printemps, son influence, l'innocence de Julie, mon expérience qui l'échauffe pour la détruire, des tableaux lascifs que je lui explique d'une manière plus lascive encore, des vœux prononcés à ses pieds, reçus par sa tendresse, les désirs nous animent l'un et l'autre, intact assuré et qui ne me trompa jamais, redouble ma hardiesse. Déjà la bouche de Julie est en proie à ma bouche qui la presse, son sein trop soulevé s'irrite contre les rubans qui le retiennent. Nœuds odieux disparaissaient. Des larmes coulent de ses yeux. Je les sèche par mes baisers. Mon haleine s'embrase. Le feu de nos cœurs s'exhale et se répand dans nos poitrines brûlantes. Nos âmes se confondent. J'entreprends davantage. Les bras de Julie ne semblent me repousser que pour m'attirer mieux. Déjà, elle ne se défend plus. Son œil se ferme à demi. Sa paupière vacillante se fixe à peine. Que de trésors je découvre et je parcours. Arrête. « Téméraire ! » s'écrie la tendre Julie, « cher amant. Dieu, je meurs. » Et la parole expire sur ses lèvres roses. L'heure sonne à Cythère. L'amour a secoué son flambeau dans les airs. Je vole sur ses ailes, je combats, les cieux s'ouvrent. J'ai vaincu, ô Vénus. Couvre-nous de la ceinture des grâces. Peindrai-je ces extases voluptueuses où l'homme semble jouir du repos, alors même qu'elle se répand davantage au dehors ? Non, non, de tels délices ne s'expriment pas. Loin de nous les reproches, Julie ne m'en fera pas. Elle me voulait pour maître, elle désirait le bonheur, elle renaît pour le goûter encore. Mais quel prodige! Notre sofa s'anime. Une multitude de mouvements combinés avec art fait éclore pour la sensible Julie mille émotions plus vives, s'il est possible. Enfin, épuisés de plaisir, de caresses, nous nous arrêtons. Et j'arrête aussi le diable de ressort qui m'avait prêté son secours d'une manière si peu attendue. Je ne connaissais pas le sofa, et Julie met tous ses plaisirs sur mon compte. Je me garde bien de la désabuser. Je ne reste pas plus longtemps, ma toilette est diablement dérangée. D'ailleurs, ma vieille aurait une sotte offrande. Sans répéter les détails monotones, notre commerce dura 3 mois. Julie m'aima constamment. La tête tourna à la tante au point de déranger ses affaires pour moi. Une assemblée de famille la fit interdire et mettre dans un couvent. On arracha Julie à ma tendresse, et comme on soupçonna qu'elle avait pu prendre certaines leçons chez sa tante, il y eut des explications, dont le Parlement se serait mêlé sans une protectrice que je trouvais dans la parenté même. Madame la marquise de Ville-Auconnas, placée à la cour, accommoda toute l'affaire. C'est de mes arrangements avec elle qu'il me faut vous parler. Un tendre engagement va plus loin qu'on ne pense. J'eus le bonheur d'intéresser Madame de Ville-Auconnas. Elle me demanda les détails de mon affaire. Je lui peignis mon aventure avec bonne foi. Elle était femme. Pouvait-elle être bien sévère pour un crime qui, dans le fond, n'était qu'un hommage à la beauté? Elle aimait le plaisir. Mon double emploi lui parut être une preuve de solidité précieuse. « Mon Dieu, me dit-elle, il y avait de quoi vous tuer. » La modestie eût été hors de saison. Je répondis tout bonnement que ma santé, loin d'être affaiblie, exigeait un service au moins aussi fort. Ses yeux s'ouvrirent, les miens s'égarèrent. Nous nous rencontrâmes. Elle n'était pas novice. Je lui avais des obligations qu'il m'était doux d'acquitter. C'est dire assez que nous nous entendîmes. Son service la retenait souvent à Versailles. Le mien, qui commençait à cette époque, me rendait assidu. À la cour, on ne s'y désœuvrait. Le mari de la marquise était à son régiment. il lui laissait du vide. Je m'offris à le remplir. Les premiers jours de notre connaissance, j'allais passer chez elle quelques moments pour attendre le coucher du roi. Parmi les hommes qui composaient le cercle de la marquise, je remarquai un grand chevalier de Malte, fort maigre, fort pâle, mais qui se donnait des airs de privauté. Le ton maussade de la marquise me convainquit que c'était mon devancier et qu'il allait être congédié. Pour aider à le pousser dehors, je l'attaquai, je le persiflai. Il se défendit mal. Je sortis, il me suivit. Après le coucher, il me pria de gagner avec lui la pièce des Suisses, m'assurant qu'il avait quelque chose à me confier. La nuit était belle, nous nous promenâmes. Arrivé dans un lieu assez solitaire, il mit brusquement l'épée à la main. Je la saisis, je l'enlève et la jette à 20 pas. Du plus grand sang-froid du monde, mon homme tout étonné se fâche, et je n'en ris que davantage. Enfin je lui dis, « Mon cher chevalier, je crois entrevoir vos motifs. Vous êtes bien avec la marquise. Elle vous rejette, vous pensez que je suis votre successeur, et vous n'avez pas tort. Vous voulez vous couper la gorge avec moi, et je suis bien sensible à cette marque de votre amitié. Mais je vous dirai franchement que je ne me battrai qu'après avoir vu si elle en vaut la peine. Ma réputation est faite, on ne me soupçonnera pas. Nous prendrons, vous le temps de la réflexion, moi le temps de coucher avec elle. Ensuite, si le cœur vous en dit, nous nous amuserons. Je cours ramasser son épée, je la lui présente, je lui souhaite le bonsoir, et je vais me coucher. » Le chevalier vint chez moi le lendemain. Il convint de ses torts. Nous nous embrassâmes, et je me rendis chez la marquise, qui, déjà instruite du fond de l'aventure, ne m'en fit pas plus mauvaise mine, parce qu'elle en ignorait les détails. Enfin, les jours s'accumulaient. La marquise jouait la coquette, semblait vouloir irriter mes désirs et me donner un véritable amour. Nous étions dans la saison des petits voyages. Nous ne nous voyions que des moments, et ces moments étaient perdus pour mes projets. Tout cela m'ennuya. J'étais oisif, je la pressais. J'obtins un rendez-vous pour le lendemain, et quelques gestes très significatifs de part et d'autre m'annoncèrent qu'il serait tout ce que je voulais qu'il fût. Je me rends alors marqué, le roi était à la chasse, tout le monde dehors. Le château semblait un désert. Mais l'appartement de la marquise n'est-il pas assez peuplé? Nous étions deux, les désirs accouraient en foule, ils appelaient les plaisirs. Ma foi, je ne sais pas où l'on aurait pu trouver meilleure compagnie. Les feux du midi embrasaient l'atmosphère. Un jour à demi étouffé régnait dans le boudoir. On y respirait la fraîcheur, les parfums et la volupté. Représentez-vous sur une pile de carreaux une grande femme bien taillée, encore mieux découplée. Quelques rubans galamment noués sont le seul lien qui retiennent la gaze légère qui la voile. Sa gorge est belle, sa figure assez commune, mais ses yeux disent ce qu'ils veulent. D'assez belles dents, des cheveux d'un noir admirable. Tout m'invitait. Les préliminaires commencèrent. Les ménagements auraient ennuyé. Je détourne sur elle et sur moi des voiles importuns. En 2 tours de main, j'arrange la marquise. Je me précipite. Dieu, le flot qui m'apporta recule épouvanté. Eh, qu'as-tu donc? Ce que j'ai? Le diable peut-être. Je me signe et je crois que Monsieur Satan s'est venu planter là en propre personne. Mais encore, est-ce une illusion? Foutre! Tu n'as qu'à juger. Un braquemard de 8 pouces levait sa crête altière et défendait les approches. Le coquin avait pensé m'éventrer. La marquise, nullement déconcertée, riait aux larmes. Enfin, je me rassure. J'examine, puis adressant la parole au papelard. « Hélas, lui dis-je, j'étais venu dans l'intention de le mettre à monsieur votre frère, mais beau sire, à tout seigneur tout honneur. » Alors je me retourne, et je lui présente bien humblement ce que Berlin révère et ce que l'Italien encense. Sacre Dieu! De ma vie, je ne l'ai échappé si belle. La marquise m'attire à elle un moment plus tard. Hein? Oui, par Dieu, je l'étais, et tout vivant. Cependant, mon étonnement cesse, et après avoir rendu ce tribut d'admiration, je plaçai vite au connasse de la manière qui nous convenait à tous deux. La marquise était vive, sans être tendre. Un tempérament ardent lui commandait, l'entraînait. Elle croyait aimer l'objet qu'elle tenait dans ses bras, et les sensations effacées, les désirs satisfaits, son cœur s'épuisait. 10 années de cours forment bien une femme. Elle était intrigante, adroite, dissimulée. Elle avait enfin le caractère de son état. Aussi jouissait-elle d'une considération que la crainte de son esprit malin et médisant lui avait attirée. Au reste, levant effrontément le masque sur le chapitre des mœurs, elle m'afficha avec une impudence qui m'eût fait rougir s'il en rougissait encore. J'affectais de la discrétion, de la retenue. « Allons, me disait-elle, mais tu es un enfant. Tout cela est reçu, mon ami. » Dans les commencements que j'ai habité ce pays-ci, tout me révoltait. Je sortais du couvent, j'étais jeune, assez joli, j'avais de la pudeur, j'étais d'un gauche inconcevable. Les femmes m'ont formé, les hommes m'en ont trouvé mieux, j'ai gagné de tous côtés. Je vivais chez elles comme chez moi. Nous couchions ensemble, et comme elles me trouvaient vigoureux, elles s'en tenaient là. Mais l'argent ne venait point, car comment tirer l'argent d'une femme de cour encore jeune et jolie? Le diable y pourvu. Un jour, que dans le délire d'essence nous avions fait, ma foi, toutes les folies que le bon Aretin a dépeintes dans son livre si religieux, la marquise ne prend-elle pas subitement de l'amour pour mon postérieur? Ma plaisanterie et le compliment que j'avais fait à son monsieur fortifient cette idée. À toute force, elle en veut venir à l'exécution. As-tu jamais vu, mon ami, un perroquet défendre sa queue contre un chat rusé et malin? Me voilà, je fais le saut de carpe des patarades. La diablesse ne perd pas la carte. Je le sens, aïe aïe. Mais, madame, c'est un pucelage, foi de chrétien. Eh bien, je le paierai sans louis. Oh non, de partout les diables, 200, et foutre, me voilà. J'en meurs de honte. Me voilà enfilé. Après ce bel exploit, la marquise m'apostrophe. Rodrigue, qu'il l'eût cru? Et moi, en portant la main au pauvre blessé, et faisant piteuse grimace, Chimène qu'il l'eût dit. Ses baisers, ses caresses, ses folies, le triomphe qu'elle se flattait d'avoir remporté, lui donnait une gaieté à laquelle je ne pus résister. Tiens, lui dis-je, mauvaise, tu m'as diablement fait du mal, mais je te pardonne. Nous scellâmes la réconciliation de manière à ne pas laisser le plus petit vent de rancune. Le bon roi Dagobert avait bien raison. Il n'y a si bonne compagnie qu'il ne faille quitter. Mon intrigue avec la vite au connasse durait depuis 6 mortelles semaines. D'ailleurs, j'avais profité de son goût hétéroclite. Je lui coûtais des monceaux d'or. « Mon cher, me dit-elle un jour, je vois que nous ne nous aimons plus. Tu me parais toujours aimable. Je veux te conserver comme connaissance intime. Mais prévenons les dégoûts. Tu ne saurais manquer de femme. Tu es jeune. Je ne veux pas te faire perdre un temps précieux, et je prétends te guider. Tiens, je te le dis avec franchise, les femmes de cour, à commencer par moi, sont dangereuses au-delà de l'expression. Rien ne leur manque pour plaire, et les hommes trouvent en nous la société de la bonne compagnie et tous les vices de la mauvaise, vices qui, communiqués et rendus, font entre les deux sexes une circulation dont les effets, variés à l'infini, ont presque toujours pour base, pour motif et pour but la perfidie. Nous sommes coquettes par ton, vicieuses par caractère. Le plaisir a pour nous de l'attrait, mais nous jouissons par habitude. Un amant nouveau est sûr de nous plaire. Cela est au point qu'il m'arrive tous les hivers de recevoir mon mari avec une joie incroyable, de lui prodiguer pendant 24 heures les caresses de la passion. L'illusion cesse, le bandeau tombe, je le reconnais. Je me reconnais moi-même, et nous nous quittons. Le sentiment est regardé parmi nous comme une chimère. Nous en parlons avec emphase, avec esprit, raffinement même, précisément parce qu'il ne nous a jamais touchés. Tu dois réussir ici par ta complaisance, ta vigueur et surtout ta science dans l'art de la volupté. Je connais 20 femmes qui se ruineront pour toi. Tu leur créeras un tempérament ou tu ranimeras ce qui leur en reste. Mais mon ami, prends garde à certains désagréments. Moins honnêtes que les filles, nous donnons sans délicatesse ce que l'on nous a communiqué sans scrupule. Et souvent nous ne valons pas le repentir que nous causons. Pour éviter ces précipices que les fleurs qui les couvrent rendent plus dangereux, abandonne la timidité, la délicatesse, elle te perdrait, et l'on n'y donnerait ici que des noms ridicules. La pudeur est grimace, la décence hypocrisie, les qualités se dénaturent, les vertus sont chargées des couleurs du vice, mais la mode, les grâces s'embellissent tout, on ne prise l'esprit que par le jargon qui l'accompagne. En un mot, c'est de nous que dépend la fortune. Et nous sommes aussi aveugles qu'elle, parce que souvent un sot ouvre la nuit un avis important. Prends donc un extérieur hardi, impertinent même, dans le tête-à-tête. Brusque les aventures, tu ne serais téméraire que dans le cas de faiblesse, et le seul manque de respect que nous ne pardonnions pas, c'est une faute d'orthographe. Mais en public, change de ton, fais ta cour assidûment, prodigue les soins et les éloges, ce n'est pas de la discrétion que l'on te demande. Nous ne craignons, mon ami, la révélation des mystères que lorsqu'ils ne sont pas à notre avantage. La marquise s'arrêta. Son sofa n'était pas loin. Nous nous fîmes des adieux très circonstanciés, et j'obtins, en la quittant, la permission de renouveler de temps en temps connaissance, sauf à être encore empalé. Me voilà donc libre. Je m'introduis dans les différentes sociétés de la cour. Je jette sur les femmes qui les composent un œil curieux et perçant. Du plus ou moins, je fais mainte application des peintures de la marquise. La saison des bals arrive. J'aime la danse à la fureur, mais n'étant point talon rouge, elle m'était interdite chez haute puissance. L'observation m'offrit des dédommagements. J'avais obtenu la permission de me rendre chez une princesse, qui joint à tout plein d'esprit le meilleur ton et le cœur le plus sensible. Je la jugeais faite pour inspirer un attachement durable, mais trop sage pour s'afficher aussi, à son âge, avec tous les moyens de plaire, se fixer, et que dirait l'amour? Lui a-t-il confié ses flèches pour les laisser oisives ou pour les ficher sur un seul cœur, comme des épingles sur la pelote de sa toilette? Je consultai mon grimoire, et je sus qu'on ne pouvait allier plus de générosité, de talent et d'adresse. Je sus encore qu'en prédicateur excellent, ses préceptes ne nuisaient pas à ses plaisirs, et je crus sentir qu'un peu de contrainte pouvait y ajouter du prix. Mais qui est-ce donc? Oh, vous en demandez trop. Allez sur le grand théâtre, quand on jouera la gouvernante, vous lui verrez remplir un rôle que son cœur lui rend cher et qui lui mérite tous les applaudissements. Confondus dans un groupe d'hommes, nous exercions notre critique sur les danseurs. Et, bon Dieu, quelle est cette petite personne, si folle, si extravagante? Elle est toute ébouriffée, son panier penche d'un côté, tout son ajustement est en désordre. Je ne l'en trouve, ma foi, que plus jolie. Tous ses attraits sont animés, ses gestes sont violents, tout pétille en elle. C'est la duchesse de, me répond le comte de Redon. Vous ne la connaissez pas? Je vous présenterai. Elle aime la musique. Vous l'amuserez. Le lendemain, je somme le comte de sa parole et nous partons. À 6 heures du soir, la duchesse était en peignoir. De grands cheveux s'échappaient d'une meilleuse placée de travers sur sa tête. Embrasser le comte, me faire la révérence, me proposer 20 questions et me prendre pour répéter le pas de deux de Roland ne fut l'affaire que d'un instant. Je fus froid les premiers pas. Une passe très lascive, qu'elle rendit, comme Guimard, m'enhardit, m'échauffa, me fit. Ah, mon ami, la jolie chose qu'un pas de deux quand on... Le comte applaudit à tout rompre. Elle s'écrie que je danse comme Vestri, que j'ai un jarret à la d'Auberval, me fait promettre de venir répéter avec elle, et me donne carte blanche pour les heures, puis mon lutin sonne ses femmes. Le comte se sauve, je demeure. Elle se coiffe à faire mourir de rire. Me demande mon avis. Je touche à l'ajustement, et je lui donne un petit air de grenadier qu'elle trouve unique. Elle s'habille, sort, je lui donne la main, et je me retire. Parbleu, dis-je en moi-même, celle-là n'a pas le temps d'être méchante. Je me couche. Sa friponne de mine me tourmente toute la nuit. Je me lève en raffolant, et je cours chez la duchesse à 10 heures du matin. Elle sortait du bain, fraîche comme la rose. Une lévite la couvre des pieds à la tête. On apporte du chocolat. Je suis barbouillé du haut en bas. Elle saute à son clavecin. Sa jolie menotte a toute la vélocité possible. Elle a du goût, un filet de voix, des sons charmants, mais pour de l'âme, serviteur. Je vois cependant qu'elle est susceptible. Nous prenons un duo. Je la presse, je l'attendris malgré elle. Elle perd la tête. Son cœur se serre, j'en arrache un soupir. La voix meurt, la main s'arrête. Le sein palpite, mon œil enflammé saisit tous ses mouvements. Zeste. Elle jette tout au diable. Elle plante là le clavecin, me bat, me demande pardon, passe un entrechat, se jette en boudant sur un sofa et se relève par un grand éclat de rire. Heureusement pour moi, Gardelle arrive. Nous dansons, je remarque cependant avec plaisir qu'elle prend de l'intérêt. Elle me loue avec affection. Gardelle n'a garde de la contredire. Avant que je sorte, elle me demande excuse, implore son pardon, me prie de lui imposer sa pénitence. Vois donc d'ici, bourreau, cette mine hypocrite. Je saisis une main que je couvre de baisers. L'autre me donne un soufflet qu'un baiser plus hardi répare à l'instant.